L'énigmatique nommé X, j'ai la vénère en bloc quelques lyrics. S'arme côté French sous le code double identité. Assaut de Bastos cité. Attends. Duo acharné à suivre sur l'aventure. Je m'implique pour ma firme, même à mes heures nocturnes. Afin que l'aventure dure et qu'enfin chacun des miens, ouais, arrive à ses fins. Je tiens ou plutôt je tiens le bon bout. Et si tu crois que je vais lâcher l'affaire, t'y es pas du tout. Trop d'actions m'oppriment, le système s'envenime. Le peuple s'enlise dans le vice, c'est l'asphyxie. Les mômes ne se plus pour des billes. Aujourd'hui c'est la lame fine, ouais, pour tenir son deal. Mais qu'est-ce que je peux faire à part jouer sur ces critères? Lâcher la faire courir après un tout ce qu'elle misère. J'en ai tellement à te raconter. Parler du lion dans la mi-fa dans le son. Faut faire attention, j'essaye, ouais. C'est déjà ça qui genre. D'guider tes pas, j'suis là pour ça. Et où que je sois, j'suis toujours là. J'suis pas le bon dieu, mais j'veille sur toi. Mes premiers flots sont pour toi, papa. Honneur et bon accord, nos flots s'entrechoquent corps à corps. Dans la même direction, sous la même pression. On porte le même nom. On s'est donné le ton. Ouais, héritière, je suis. De ce que j'hérite, tu me suis. Un mic et des flots qui filent. Nos mentalités s'aiguisent et l'on puise nos amours, nos envies. Fils. Et l'on puise notre amour, notre envie. Et avec ta vie, je risque.